Bonjour Mathieu Garrigou-Lagrange et aujourd'hui, comme chaque mercredi, on parle de nouvelles technologies et du futur. Le 29 septembre dernier, la Chine a frappé très fort en matière de chiffrement dernier cri. Pour la première fois de l'histoire, une liaison intercontinentale a pu être établie entre Vienne et Pékin via un système de clés quantiques longue distance, un système de chiffrement réputé inviolable. La Chine aurait donc une longueur d'avance en la matière après avoir envoyé en orbite un satellite en 2016 pour établir des liaisons elles aussi protégées par une clé quantique. Quand Alice et Bob essayent de communiquer mais Kev écoute, que se passe-t-il ? Petit précis de cryptographie quantique. Code Quantum, c'est le titre à peine chiffré du problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour faire la lumière sur ces procédés de cryptographie que l'on dit inviolables, mais ceux d'avant l'étaient aussi, alors que faut-il en penser des propriétés, des systèmes, des procédés, pardon, des protocoles, enfin, qui emploient les propriétés quantiques des particules. Et pour comprendre donc ce qu'Alice et Bob essayent de se raconter pendant Kev écoute, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Alexei Grimbaum. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au laboratoire de philosophie des sciences du CEA Saclay. Bonjour Romain Léaume. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à Télécom ParisTech. Vous êtes tous les deux membres de PCQC pour Paris Center for Quantum Computing, exactement. Et nous pouvons, comme d'habitude, suivre et compléter, ça va être important aujourd'hui, cette émission par le fil Twitter de la méthode scientifique @laméthodefc, où on pourra vous mettre un certain nombre d'études, de diagrammes, de graphiques qui viendront enrichir nos propos tenus à l'antenne. Alors peut-être pour commencer, l'excellence en clé quantique, c'est vraiment devenu aujourd'hui l'apanage de la Chine, Alexei Grimbaum? Les Chinois sont en avance. C'est un pays extrêmement important dans tout le domaine de l'information quantique. Mais ça ne veut pas dire que la Chine est la seule. L'Europe, la France en particulier, l'Allemagne aussi, mais aussi les États-Unis, le Japon sont très très présents. Mais ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, depuis 2 ans, la Chine a mis une accélération des investissements très forts sur les aspects technologiques. En fait, les idées, les concepts, c'est une recherche internationale, notamment européenne, sur la cryptographie quantique. Mais ce qui est spécifique, c'est vraiment l'accélération des investissements de l'ingénierie quantique, notamment sur les satellites en Chine. Alors, on va faire peut-être un petit précis. Vous m'avez dit, vous venez de dire cryptographie quantique, alors que je pensais que j'avais pas le droit de le dire. Il faut dire, le terme propre, c'est chiffrement par clé quantique, parce que la cryptographie en elle-même n'est pas quantique, mais c'est la clé qui est générée, qui utilise des propriétés quantiques. Alors oui, pour faire une petite taxonomie, effectivement, cryptographie quantique, ça veut dire toute la cryptographie qui est faite avec des moyens quantiques. Donc ça va être notamment la distribution de clés. Et après, souvent, de façon impropre, pour dire distribution de clés, on parle de chiffrement quantique. Et là, c'est assez impropre parce que le chiffrement à proprement parler, il va être classique. On va avoir une clé qui est un ensemble de bits classiques. Mmh. Par contre, la moyen de la partager dans la distribution de clés quantique, elle est de nature quantique. Oui, juste pour Alexis Grimbaum, bien sûr. Un mot sur la notion de clé. Je ne sais pas si tous nos auditeurs voient bien de quoi il s'agit. Une clé, qu'est-ce que c'est? Alors, le message, lui, par exemple, le mot, méthode, va être publié par Alice, qui veut l'envoyer à Bob, en clair. Mais, ce sont les noms génériques qu'on utilise pour parler de deux interlocuteurs, et Eve est toujours la personne qui est censée écouter ou pirater le message. Toujours méchante, Eve. Bon, alors, donc, d'Alice à Bob, il faut envoyer un message, et Alice veut que ce message soit le mot méthode. Mais bon, si elle publie dans un journal le mot méthode, tout le monde va savoir, et Eve aussi. Donc, elle publie autre chose. Elle publie, par exemple, un mot, mathéma. Avec TH au milieu, donc comme d'un méthode, mais vous voyez, c'est pas le même mot quand même. Et puis, de façon complètement secrète, elle envoie une clé à Bob qui lui dit il faut changer. Alors, pas la première, la troisième et la quatrième, mais la deuxième, la cinquième et la sixième lettre. Et quand Bob les aura changées, il aura compris que le mot, c'est pas du tout mathéma, mais c'est méthode. Donc, évidemment, on va pas utiliser un alphabet latin, enfin, l'alphabet latin, on va utiliser des bits, des 0 et 1. Et donc, ce que Alice va publier en clair, ce sera une certaine séquence des 0 et 1, mais elle et Bob auront entre eux, hein, de façon secrète, une clé qui va dire quel bit dans cette séquence, quel 0 et quel 1, il faut intervertir. Et c'est cette distribution des clés qui est au cœur du métier de la cryptographie quantique, parce qu'il faut qu'elle soit complètement secrète, tandis que le message, lui, est en clair, accessible à tout le monde. C'est ça, il faut que surtout Eve ne puisse pas comprendre la nature de ce message. Avant de rentrer, parce qu'on va effectivement refaire un peu un point pour comprendre pourquoi on passe aujourd'hui et pourquoi il y a un tel effort de recherche qui est déployé autour de cette cryptographie quantique, est-ce que ça signifie, Romain Alléaume, que bien les méthodes de chiffrement actuelles sont en train de devenir caduques? Alors, les méthodes de chiffrement actuelles, notamment celles qui utilisent une clé secrète, symétrique, on considère qu'elles sont encore d'une très bonne sécurité. Par contre, c'est effectivement la façon de distribuer la clé. On distingue en cryptographie mathématique la cryptographie symétrique, où la clé est secrète, comme l'a expliqué Alexei, de la cryptographie asymétrique, où on a une clé publique qui peut être connue de tous, qui sert à envoyer un secret à celui qui connaît la clé privée, associée à la clé publique. Ça, c'est par exemple l'algorithme RSA dont on reparlera. Donc, aujourd'hui, notamment sur Internet, si vous voulez partager une clé, un secret avec, pour faire un paiement sur Internet, vous allez notamment utiliser RSA pour partager un secret avec le serveur, et ensuite vous allez utiliser de la cryptographie symétrique, du chiffrement. Donc c'est pas vraiment les techniques de chiffrement qui posent problème, c'est la façon potentiellement de distribuer la clé, de garantir le secret de cette clé. Donc RSA, ça fonctionne très bien, ça fonctionnera encore très bien pendant des années, mais on sait que si on savait construire un gros ordinateur quantique, un grand ordinateur quantique avec beaucoup de bits quantiques, ce qu'on sait pas encore faire aujourd'hui, alors elle sera en danger. Et donc, il y a une incitation à réfléchir à d'autres méthodes de cryptographie qui résisteraient à un ordinateur quantique. Et d'ailleurs, je renvoie nos auditeurs à l'émission que nous avions consacrée précisément à l'ordinateur quantique pour savoir s'il est pour demain, après-demain, pour dans un peu plus longtemps, et tous les problèmes qu'il continue à poser. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission. Oui, Alexei Grimbaud, oui, je voulais juste préciser, donc RSA, ce n'est pas le revenu de solidarité active, non. C'est cette méthode c'est de reverse Shamir de Edelman. Voilà, c'est cette méthode de chiffrement que tout le monde utilise. Par exemple, quand vous vous connectez à votre banque en ligne ou vous allez sur un site web où c'est marqué HTTPS S pour sécurité. Donc voilà, ça c'est RSA qui se met en place derrière votre écran. Ce qui est important, c'est qu'on pense qu'avec d'autres avancées des technologies quantiques, notamment le développement de l'ordinateur quantique, la sécurité de la méthode RSA pourrait bientôt peut-être être mise en problème. Donc on est déjà en train de se dire, alors les développements de technologies va peut-être permettre de casser plus facilement RSA, et donc il faut passer à autre chose que RSA. Et cette solution vient, elle aussi, des technologies quantiques, et c'est la cryptographie quantique. Alors, ben justement, puisqu'on parle de RSA, parlons-en un peu plus. En fait, aujourd'hui, ce qui garantit la sécurité, et puis vous allez bien nous expliquer, mais vous venez de le faire relativement bien déjà, Romain Alléaume, et puis, encore une fois, je dis à nos auditeurs aujourd'hui, prenez donc un petit papier, un petit crayon, vous allez prendre des notes, mettez-vous sur Twitter, parce que, effectivement, on va manipuler des concepts qui demandent parfois un peu d'huile de cerveau. Ce qui garantit aujourd'hui la sécurité de RSA, vous venez de le dire, Romain Alléaume, c'est que en fait, pour le moment, on n'a pas de puissance de calcul suffisamment importante pour pouvoir éplucher toutes les possibilités par un supercalculateur qui permettrait à un moment donné de tomber sur le bon code, en quelque sorte. En quelque sorte, voilà. RSA, c'est basé sur un problème mathématique qui est le problème de la factorisation. Si je vous donne deux grands nombres, et que je les multiplie, si c'est moi, ils sont secrets, je les multiplie, et je vous les donne, vous aurez du mal à retrouver ces nombres. Voilà. Et inversement, moi, je sais faire cette opération-là. Et c'est l'opération de factorisation. Si je donne un grand nombre, vous aurez du mal à retrouver les nombres initiaux. Et c'est à la base de la sécurité de RSA. Et donc RSA, ça sert à échanger des clés. Maintenant, effectivement, aujourd'hui, on ne connaît pas de méthode, on appelle ça un algorithme efficace, si on vous donne un grand nombre RSA qui permet de factoriser, qui permet de casser les clés RSA. Mais ce qui est apparu au début des années 2000, donc c'est un algorithme sur un ordinateur quantique cette fois-là, sur un ordinateur qui fonctionne de façon différente, qui est efficace au sens où un nombre polynomial d'opérations, on appelle ça, donc le nombre d'opérations ne grandit pas trop vite avec la taille de la clé, et permet de factoriser. C'est l'algorithme de Shor. Et ça change vraiment la donne. Ça dit que des machines qui calculeraient de façon quantique ont une incidence sur la cryptographie d'aujourd'hui, la cryptographie avec les publics, et notamment RSA. Alors, pour rassurer nos auditeurs, cet algorithme de Shor, effectivement, il fonctionne, mais il fonctionne pas encore très bien, parce que l'ordinateur quantique lui-même ne fonctionne pas encore très bien. Donc, on n'est pas tout de suite, immédiatement, dans les mois qui viennent, Alexei Grimbaum. Exactement, l'algorithme de Shor, il est là depuis plus de 20 ans. Depuis 93, je crois. Il faut vérifier l'année concrète. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un algorithme qui change déjà les technologies d'aujourd'hui. Il ne fonctionne pas encore tel qu'il a été conçu par Shor, parce qu'on a ce qu'on appelle l'ordinateur quantique universel, qui fait du calcul universel, n'existe pas dans l'état des choses d'aujourd'hui. Il y a déjà des appareils qui font du calcul quantique non universel, du calcul quantique qui ne permet pas de faire de la factorisation comme donc il faut pour casser RSA, pour casser les codes RSA. Mais on s'y approche peut-être. Évidemment, il ne faut pas attendre que cet ordinateur soit là. Il faut faire quelque chose plus tôt. Pour assurer nos auditeurs, vous pouvez toujours vous connecter à vos banques. Voilà, ils sont pas très inquiets. Et c'est quand même bien sécurisé. juste pour vous donner un exemple, donc la longueur des clés qu'on utilise aujourd'hui, plus ou moins, est telle que il faudrait, je pense, encore au moins 2 heures de grandeur en nombre de bits quantiques. C'est un peu le critère technique, mais il faudrait passer à des milliers de bits quantiques dans un seul ordinateur quantique universel, tandis qu'aujourd'hui, on sait en mettre quelques dizaines au mieux. Donc, je pense qu'il y a encore un saut technologique énorme à franchir. Et vraiment, la question, en fait, se pose si ce sera pour dans 5 ans ou pour dans 50 ans. Mais peu importe, il faut préparer nos techniques de cryptage, de cryptographie après RSA dès aujourd'hui. Romain Léaume. Voilà, oui. Il y a une autre raison plus fondamentale, en fait, qui peut aussi justifier le fait de dire qu'il faut rechercher une cryptographie au-delà de la cryptographie mathématique, qu'on appelle computationnelle. Elle est basée sur le fait que certains calculs sont impossibles à faire ou sont trop gros. En temps fini. C'est le fait que quand on transmet les informations classiquement, typiquement, on va les stocker, mais on peut jamais empêcher quelqu'un de les écouter pendant qu'elles sont transmises et de les stocker, éventuellement les déchiffrer plus tard. Donc, on appelle ça, stockage and retrieve. Et il est pas impossible qu'aujourd'hui on n'ait pas les algorithmes, aujourd'hui on n'ait pas fait les percées mathématiques qui permettent de casser RSA, mais qu'elles soient faites demain, et que quelqu'un qui aurait stocké les informations aujourd'hui, et on sait que c'est fait par certaines agences de renseignement, stocker des informations chiffrées aujourd'hui, donc quelqu'un qui aurait fait ça, demain, si jamais il a une façon de déchiffrer, il pourra le faire plus tard. Donc la nature classique de l'information, le fait qu'on peut la stocker, elle ne bougera pas dans le temps. Ça, c'est différent de la physique quantique, de l'information quantique, et ça a une incidence aussi sur la cryptographie. Justement, j'avais prononcé ce mot de bit quantique, de qubit. Donc, il faut voir cette distinction absolument fondamentale entre les bits classiques, donc 0 et 1, qu'on peut copier, et les qubits qu'on ne peut pas, comme on dit dans notre domaine, cloner, c'est-à-dire copier tout simplement. Et ça, c'est une différence que nous croyons même absolument fondamentale pour la distinction entre l'information classique et quantique. Donc, c'est exactement ce que vient de dire Romain, c'est-à-dire il faut penser à utiliser des méthodes qui, théoriquement, ne peuvent pas être copiées ou clonées. Et on va voir que le changement paradigmatique est effectivement un changement d'envergure, puisqu'on va passer d'un chiffrement donc mathématique, comme vous venez de le définir, à un chiffrement physique. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Voilà, Code Quantum, ça va faire rire toute l'équipe tout l'après-midi. Promis, on ne fait plus la blague jusqu'à la fin de l'émission. Nous parlons donc de cryptographie quantique et pas de ce célèbre soap des années 90, même si certains dans l'équipe y tiennent vraiment beaucoup. Nous en parlons avec Alexei Grimbaum et Romain Alléaume. Donc, nous voici venus précisément au cœur de notre sujet, cette cryptographie quantique. On a dit que l'algorithme de Shor était apparu en 1994. 93, les premiers jalons de la cryptographie quantique apparaissent également, Alexei Grimbaum, avant, vous dites. Vous me faites le signe que c'est avant. Moi, j'allais dire au début des années 90, mais ça a été postulé un peu avant. Un peu avant. Le premier algorithme, qu'on appelle d'ailleurs BB84 pour Bennett Brassard en 1984. Donc ça, c'est déjà un algorithme tout à fait développé, hein, pas encore technologiquement possible à l'époque. À l'époque, il n'avait pas les techniques que nous avons aujourd'hui. Mais donc Charles Bennett, qui est un des grands spécialistes de ces questions, déjà à l'époque, propose avec Gilles Brassard cet algorithme de distribution des clés. Hein. C'est exactement le sujet dont nous venons de parler. Comment faire en sorte qu'Alice et Bob puissent avoir une clé quantique secrète que Eve n'aura pas, à laquelle Eve n'aura pas accès. Et même Brassard et Bennett n'étaient pas les premiers. Et là, je sais que Romain voulait raconter une petite histoire à propos de la monnaie quantique. On écoute avec attention et avec intérêt votre histoire. Oui, en fait, c'est vrai que Bennett et Brassard, ils sont toujours considérés comme les pères fondateurs du domaine, ils sont encore très présents dans les conférences et ils ont inventé ce protocole et d'autres protocoles très importants pour l'information quantique, le premier protocole de cryptographie quantique, BB84. Mais en fait, Bennett, il avait un ancien ami, je crois que c'était à l'université de Yale, qui s'appelait Stéphane Wissner, qui était un des premiers en fait, à avoir l'idée, donc l'idée qui va être à la base de la cryptographie quantique, qu'on appelle le codage conjugué. Et ce codage conjugué, il voulait l'appliquer à faire ce qu'on appelle une monnaie quantique, des billets de banque qui seraient totalement infalsifiables. Donc l'idée de ces billets de banque, et l'idée va être importante pour la suite, c'est que vous allez avoir un numéro de série pour un billet de banque, composé de 0 et de 1. Et ce numéro de série, vous n'allez pas le coder, juste l'imprimer sur le papier, mais vous allez en coder sur des atomes, par exemple, qui seront composés de vos billets de banque. Alors ces atomes, ils sont quantiques, c'est ça qui est important. Mm-hmm. Et alors une des propriétés de la physique quantique, c'est que vous pouvez non seulement coder des 0 et des 1, mais aussi des états qui sont une superposition de 0 et de 1. Donc on va utiliser deux termes, on va dire qu'on peut coder les 0 et les 1 soit dans une base qu'on appelle rectangulaire, soit d'une balle qu'on appelle diagonale. Mm-hmm. On expliquera plus tard ce que c'est. On va y revenir, puisque c'est important, c'est au centre justement du protocole BB84. Ce qui est important, c'est que la mécanique quantique, elle permet donc d'avoir ce type de codage rectangulaire ou diagonale, de telle sorte que si j'encode un 0 dans la base rectangulaire, mais que je le mesure dans la base diagonale, alors j'ai une chance sur deux de me tromper. Par contre, si je l'encode dans la base rectangulaire et que je le mesure dans la base rectangulaire, je mesure bien un 0. Donc j'ai l'information si je mesure dans la bonne base et je perds l'information si je mesure dans la mauvaise base. Et cette idée donc, de codage conjugué, donc codé dans deux bases, elle va être une clé pour faire ces billets de banque infalsifiables. Donc si je multiplie donc, les atomes et donc je code les 0 et les 1 sur mon billet de banque, si maintenant donc, je fabrique un billet de banque que la banque peut fabriquer, mais si quelqu'un essaie de le falsifier, de faire une copie, pour ça il va devoir... atome par atome, reproduire sur chaque atome le 0 et le 1 de la bonne base. Mais lui, la seule chose qu'il puisse faire, c'est mesurer les atomes comme ils sont, et il a une chance à chaque fois de se tromper. Et donc si on multiplie ça à chaque fois par le nombre de billets de banque, on a une probabilité infime, exponentiellement faible, en fait, dès qu'on a un grand nombre d'atomes, de se tromper et de falsifier le billet de banque. Mmh. Alexei Grimbaum. Oui, cette idée de monnaie me permet de proposer aussi une petite heuristique, une façon de saisir peut-être ce qui se passe avec cette distribution de clés quantiques. Alors, ce n'est pas exactement ce que je veux dire, l'idée de Wissner, mais quand même, imaginez. Donc, il faut fabriquer, je vous rappelle, il faut fabriquer une clé secrète entre Alice et Bob. Mmh. Mais une clé aléatoire, bien sûr, hein, parce que si elle n'est pas aléatoire, Eve, de façon statistique, en analysant les transmissions, pourrait comprendre de quoi il s'agit. Elle va finir tôt ou tard par comprendre. Il faut préciser peut-être juste une chose aussi, qui est importante, parce qu'on va parler d'Alice et Bob et Eve beaucoup, c'est qu'on part toujours du principe qu'Eve a les meilleurs moyens technologiques systématiques, les plus avancés, peut-être même ceux qu'on ne connaît pas encore supérieurs à ceux qu'on a aujourd'hui. Elle travaille, elle est très, très forte. Du c'est futur, ça. Elle sait tout faire. Elle sait tout faire. Elle sait tout faire. Mais alors, comment faire une clé aléatoire? Normalement, on prend une pièce de monnaie, et hop, on la jette pile ou face, et donc il y a 0 ou 1 de façon aléatoire. Mais maintenant, il s'agit de fabriquer une clé aléatoire partagée entre Alice et Bob. Donc imaginons qu'il puisse exister deux pièces de monnaie qui tombent chacune de façon aléatoire, mais toujours corrélées, toujours les deux sur pile ou les deux sur face. Mmh. Alors, c'est aléatoire localement. Chez Alice, sa pièce de monnaie, c'est hop, aléatoire. Chez Bob, c'est aléatoire. Mais les deux ont un lien elles sont intriquées. Voilà, c'est le mot auquel je venais. Disons qu'elles sont intriquées, cette intrication qu'on va ici utiliser, l'intrication quantique, qui est responsable de cette possibilité de fabriquer des clés secrètes partagées entre Alice et Bob. Et il faut prononcer, on a déjà parlé de Wiesner, de Brassard et de Bennett, il faut prononcer peut-être un dernier nom des pères fondateurs de la cryptographie, Arthur Eckert, en 1991, comprend que la ressource fondamentale pour qui permet de faire de la cryptographie, c'est l'intrication quantique. Et qui sera derrière un autre protocole, parce qu'on a parlé de BB84, un protocole qui s'appelle E90. Donc l'intrication quantique d'une part, et l'autre, ce que vous disiez, et arrêtez-moi si je me trompe, Romain Alléaume, l'autre principe important de la mécanique quantique qui est mise à profit par la cryptographie quantique, c'est ce qu'on appelle le principe d'incertitude d'Heisenberg. Oui, effectivement, le codage conjugué, c'est relié directement à ce que vous dites, le principe d'incertitude. Ce qui est amusant, c'est quand Bennett et Brassard, en fait, Bennett, donc il avait cette idée qui lui trottait dans la tête depuis longtemps. Bennett, il était plutôt physicien, il travaillait IBM, il fait plutôt de la physique, il a travaillé sur aussi l'information quantique, l'ordinateur quantique. Et il connaissait Brassard, qui était déjà un cryptographe très bien établi, plutôt classique. Et puis ils se rencontrent dans une conférence et il paraît que c'est à la plage, comme ça, dans l'eau, qu'ils ont commencé à dire « moi j'ai cette idée-là et tout, est-ce que tu penses ?» Et ils ont commencé à travailler ensemble, à faire ce protocole. Et au début, il faut bien voir que personne ne comprenait du tout de quoi il s'agissait, personne n'y croyait non plus. Ils l'ont soumis à des conférences, ont été rejetés de conférences majeures. Et finalement, c'est une conférence assez mineure, SIGAC News, en 1983, en fait, en Chine, où ça a été publié, en Inde, où ça a été publié. Et puis pendant assez longtemps, pendant 10 ans, personne ne comprenait trop le protocole, n'y croyait. Et c'est quand Eckert, qui avait été aussi un physicien réputé, s'est intéressé à montrer qu'il y avait des liens avec l'intrication, que tout d'un coup, il y a eu une flambée de l'intérêt des physiciens pour ce protocole et des premières implémentations. En 90, et c'est pour ça que je me suis emmêlé les pinceaux tout à l'heure en vous disant ce que j'étais déjà à Eckert, alors qu'il fallait remonter avant, ça arrive à tout le monde. Mais alors, avant qu'on entre précisément un peu mieux justement dans ces différents types de chiffrement, dans ces différents protocoles, le mieux est comme toujours d'aller voir dans un laboratoire comment les chercheurs emploient notamment la lumière, les photons pour chiffrer leurs informations. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Bonjour voilà, à tous. Grâce à votre reportage, la cryptographie, c'est simple comme... Bonjour. Oui, bravo. C'est la physicienne, en tout cas, Eleni Diamanti, qui m'a reçu au laboratoire d'informatique de Paris 6 à l'université Pierre et Marie Curie. Elle m'a expliqué en détail le protocole de cryptographie quantique sur lequel elle travaille avec son équipe. Elle m'a aussi parlé des perspectives ouvertes par les recherches sur cette cryptographie quantique pour d'autres domaines. Bientôt, Nicolas, vous allez l'entendre, ce sera impossible de pirater votre carte bleue. La distribution quantique de la clé, QKD comme on l'appelle en anglais, en abréviation, donc c'est un protocole donc cryptographique qui permet à deux interlocuteurs d'établir une clé secrète, c'est-à-dire une série de bits totalement aléatoires, et donc des bits classiques, et ils utilisent et suivent cette clé pour échanger un message secret. Est parfaitement sûr. C'est ça exactement ce qui permet la QKD, ça permet d'avoir une sécurité dite inconditionnelle, donc sûr, par rapport à des attaques par un espion, une espionne, Eve, qu'on appelle souvent, ultra puissante, qui aurait même à sa possession un ordinateur quantique. Comment on établit ce genre de protocole ? Alors, de quoi on a besoin? Donc, il y a donc Alice, notre émetteur, et Bob, notre récepteur. Et donc, il y a plusieurs façons d'établir ce protocole. Dans mon cas, je vais vous parler de notre travail. Donc, on utilise ce qu'on appelle un protocole où Alice prépare des états quantiques. Et donc, on se base sur des états des lumières, donc sur des photons, et qui sont générés par un laser. Donc, c'est assez pratique. Donc, il n'y a pas besoin de ce qu'on appelle de photos uniques, de sources de photos uniques, ce qui est une technologie beaucoup plus pointu, disons, plus difficile. Et donc, elle envoie ses états préparés d'une certaine façon pour que ça soit en accord avec notre protocole, utilisant un corps de composants standards qu'on utilise dans les télécommunications. Elle envoie ça à travers les canaux quantiques qui peut être une fibre optique, tout simplement, tout ce qui peut transporter la lumière. Ça peut être aussi l'espace libre, ça peut être ce genre de canaux. À Bob, donc le récepteur, qui, lui, essaye de détecter cette façon qu'Alice a utilisée de préparer ces états en utilisant des détecteurs. Dans notre cas, on utilise un protocole QKD qui s'appelle A Variable Continue, qui a été développé en France par l'équipe de Philippe Grangier à l'Institut d'Optique il y a maintenant quelques années. Et donc, son avantage, disons, c'est qu'il s'utilise une technologie qui n'a pas besoin de détecteurs de photo unique. Donc, on peut utiliser des détecteurs dits cohérents qu'on trouve notamment dans les communications optiques cohérentes. Alors, moi, j'ai aucune idée de à quoi ça peut ressembler. Comment on fait ces tests-là? Est-ce que vous avez une espèce de labo ou... Vous voulez que je vous montre? Bien sûr. Donc là, sur la porte, il y a marqué Optics Lab. Voilà, donc il faut faire attention de ne pas amener des nourritures et des boissons. Voilà, ça c'est un laboratoire d'optique photonique, d'optique quantique en particulier. Et ça c'est un système de QKD, distribution quantique des clés. Donc ce que vous voyez, c'est qu'il y a une Alice, donc un Bob. D'accord. Donc c'est deux caissons métalliques. Voilà, exactement. Et chacun a aussi un ordinateur à côté, donc pour faire les traitements quand même du signal et tout ce qu'il faut, qui est Alice et Bob fassent pour finalement extraire la clé secrète des signaux photoniques. Et là, vous voyez un laser. Et c'est qu'on utilise plusieurs composants photoniques qu'on utilise pour moduler donc les caractéristiques de nos photons, de nos impulsions lumineuses. Donc la lumière fait ce qu'elle doit faire dans cette boîte, elle sort par des fibres optiques et arrive à Bob. Vous voyez ici, il y a une détection, donc elle est beaucoup plus compacte que celle qu'on utilise pour les photons uniques. Donc on contrôle la polarisation, on contrôle toutes les caractéristiques de nos impulsions lumineuses. Ok, donc c'est... par ce système-là que finalement la lumière est cryptée et que Alice et Bob peuvent se comprendre sans que... Et Eve, elle est où là? Et Eve, elle n'est pas présente, mais elle pourrait être présente. Il faut imaginer un système de communication réel où Alice et Bob sont loin, évidemment. Il y a donc une fibre ou un canal quantique entre les deux. Et Eve peut se mettre là et essayer d'utiliser son système à elle, quantique ou pas, pour obtenir des informations. Et donc là, il y a quand même une preuve de sécurité derrière qui nous permet justement d'extraire notre clé quantique à travers les caractéristiques qu'Alice et Bob ont envoyées, ont détectées pour n'importe quelle attaque d'Eve. Vous me parliez aussi d'une collaboration européenne à laquelle vous participez. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus? Il y a plusieurs collaborations européennes sur ce système qui est basé sur les variables continues, donc sur des systèmes de détection cohérente. Ça implique aussi pas mal des industriels. Et il y a aussi une collaboration dans les domaines des satellites, des communications par satellite. Donc l'idée serait, après les résultats marquants de la dernière année par l'équipe chinoise, qui a réussi pour la première fois de mettre un satellite dans l'espace équipé des systèmes quantique. Là, il s'agit des idées qui ont été développées en Europe depuis bien longtemps, mais il faut un grand investissement qui n'a pas été mis en place par l'Europe pour l'instant. Maintenant, il y a une vraie dynamique, un vrai effort pour amener des systèmes cryptographiques à l'espace. Et à part la distribution de clés quantiques, sur quel autre sujet portent vos travaux en lien avec la cryptographie quantique? Alors là, il faut tourner à l'autre table optique pour voir, par exemple, d'autres systèmes. Là, par exemple, là, vous voyez un autre système photonique qui rassemble finalement celui-là, mais ça fait un autre protocole de cryptographie quantique qui s'appelle argent quantique, monnaie quantique. On essaye donc de faire une carte de crédit quantique, là, c'est ce système que vous voyez. Donc on essaye de voir si Alice et Bob, ou qu'on appelle maintenant une banque, un client et quelqu'un et une vendeur, et puisse faire une transaction financière totalement sécurisée. Donc ça, c'est des perspectives de sécurité. Exactement. Et là, ce qu'on essaye maintenant, c'est de voir si on peut mettre nos cartes de crédit dans une mémoire quantique aussi pour pouvoir vraiment stocker l'information. Et ça, ce type de protocoles, c'est très important pour le futur Internet quantique, où notamment, il faut imaginer des réseaux avec des nœuds plusieurs utilisateurs de nœuds quantiques, quelques serveurs qui seront des ordinateurs quantiques, des machines beaucoup plus avancées, et des utilisateurs avec des systèmes MP, comme vous voyez, beaucoup plus compacts. On peut imaginer qu'ils sont intégrés aussi en photonique, en silicium, ce qu'on essaye aussi de faire. Ces systèmes-là, on a des petites puces en silicium pour les rendre beaucoup plus attirants pour les utilisateurs, pour les marchés aussi. Et donc, on peut imaginer donc, des utilisateurs qui ont des systèmes compacts comme ça, beaucoup moins chers. Et puis après, des serveurs quantiques dans des labos spécifiés. Et puis après, il faudra donner pour échanger, de faire des protocoles performants dessus. Voilà, Eleni Diamanti qui était déjà venue autour de la table de la méthode scientifique pour nous parler précisément de l'ordinateur quantique. Je vous voyais écouter avec attention une réaction à ce reportage, messieurs Alexei Grimaud. Oui, Eleni a parlé de ses satellites, je pense qu'on y reviendra, mais effectivement, ce qu'elle a dit, c'est tout à fait vrai. Il y a un savoir-faire et puis des connaissances scientifiques en Europe est très très développée, surtout à Vienne. Vienne était peut-être la ville pionnière de ce type de travaux et les premières propositions de communication quantique avec les satellites, ça a été développé à l'Institut d'optique quantique et d'information quantique à Vienne. À une certaine époque, j'ai passé quelques mois là-bas. Il est vrai qu'en Europe, on n'a pas fait l'investissement nécessaire pour mettre ces propositions théoriques en pratique. Les Chinois étaient les premiers. Et maintenant, bon, j'espère qu'on va rattraper sur le plan expérimental, sachant que sur le plan théorique, c'est par l'Europe que ça a vraiment commencé. Mais on en reviendra tout à l'heure, Romain Léo, monsieur. Oui, voilà ce que dit Eleni Diamanti, c'est très riche. Ça va là, effectivement, le fait aussi que la cryptographie quantique, ce n'est pas juste distribuer des clés, on peut faire d'autres choses. Donc, elle a reparlé. Aujourd'hui, on commence à arriver à avoir des mémoires quantiques de plus en plus fiables, même si ça reste encore dans le laboratoire. Et avec des mémoires quantiques, on peut imaginer déjà de faire des réseaux quantiques sur des grandes distances. Donc ça, sera on va voir que la question de la distance est essentielle, c'est effectivement très essentiel, importante. Donc, bon, sortir les mémoires quantiques du laboratoire, c'est encore un vrai défi, mais ça permet. Et puis, on peut envisager d'autres protocoles de cryptographie quantique, donc par exemple ces fameux billets de banque dont j'ai parlé tout à l'heure, Quantum Money, et plus globalement des protocoles de calcul sécurisés où l'idée ce serait vous auriez un ordinateur quantique ou quelque chose qui serait un petit ordinateur quantique connecté à d'autres. Et ils pourraient faire ensemble un protocole sécurisé entre plusieurs ordinateurs connectés par des communications quantiques. La méthode scientifique, Nicolas Martin. He's never caught one spy, I'm told. He's never even caught a cold. Got his degree from Disneyland, but he's the last of the secret agents, and he's my man. He's the last of the secret agents, and he's my man. The Last of the Secret Agents, le dernier des agents secrets par Nancy Sinatra, puisque nous parlons de cryptographie quantique, de chiffrement, donc de code secret, donc, eh bien, d'agents secrets, mais pas vraiment, enfin un peu quand même. Bref, on en parle avec Alexei Grimbaum, qui est chercheur au laboratoire de philosophie des sciences du CEA Saclay, avec Romain Alléaume, enseignant-chercheur à Télécom Paris-Dec, tous deux membres du PCQC pour Paris Center for Quantum Computing. Alors, on s'est dit pendant la musique qu'on n'allait pas s'attaquer, qu'on n'allait pas plonger les mains dans le cambouis pour essayer de vous expliquer concrètement, totalement, toutes les mécaniques de chiffrement par clé quantique type BB84 ou E90. On va vous mettre quelques liens, si vous êtes vraiment très curieux, sur le fil de l'émission, avec quelques schémas qui seront peut-être plus clairs que ceux que l'on peut donner à l'oral. En revanche, ce dont on peut parler, c'est sur l'état actuel, effectivement, de la recherche et des solutions techniques hein, comme on l'entendait dans le reportage. Quels sont aujourd'hui les principaux obstacles et pourquoi est-ce que ce double exploit de la Chine, c'est-à-dire à la fois satellitaire et à la fois par voie continentale, est impressionnant aujourd'hui dans la recherche en cryptographie quantique, Romain Léaume? Oui, donc plus généralement, c'est un challenge technologique de faire des communications quantiques à grande distance. Et c'est vrai que plus on peut aller loin, plus c'est intéressant économiquement pour les applications. Et ce qui est spécifique dans la communication quantique, pour faire de la cryptographie, c'est qu'on ne peut pas commencer par envoyer beaucoup de photons en même temps. Parce que sinon, on n'a pas de sécurité. Si on envoie trop de photons, on peut toujours en soustraire un, obtenir l'information. Et à ce moment, on ne peut pas avoir de sécurité. Donc en fait, le régime des communications quantiques, c'est typiquement le régime avec très peu de photons dans l'impulsion chez Alice, à l'émission. Et si on envoie très peu de photons à l'émission, avec une propagation sur fibre optique ou à l'air libre, on a des pertes. Et puis arrive un moment où, en réception, on n'a quasiment plus de photons. Et ça, il faut toujours le comparer au bruit du récepteur. Et le cas, il y a toujours un moment où on arrive où le bruit du photon, le bruit du récepteur est comparable au signal du photon. Et à ce moment-là, on ne peut plus vraiment garantir la sécurité parce qu'on a beaucoup d'erreurs. Donc voilà, il y a quelque chose qui est spécifique, c'est qu'on a très peu de lumière au début et donc on est très sensible aux pertes. On parle de dark counts, hein, c'est ça la marge d'erreur. Dark counts, effectivement, c'est bruit. Si vous envoyez de l'obscurité, rien sur votre détecteur, il fait quand même du bruit de temps en temps parce qu'il a une électronique d'amplification qui fait qu'il va quand même faire du bruit de temps en temps. Et on peut pas. Alors on a diminué très fortement autour des 20 dernières années les bruits d'obscurité. On a des détecteurs maintenant supraconducteurs qui permettent d'aller à des très grandes distances, mais néanmoins on aura toujours un bruit résiduel. Et par ailleurs, le signal, il va toujours s'atténuer avec les transmissions. Alors, sur une fibre optique, voilà, les fibres optiques, elles ont un certain taux de transmission. On arrive aujourd'hui à aller à peu près à 100 km avec des systèmes qu'on appelle commerciaux, assez fiables, et en laboratoire jusqu'à 200 à 250 km à peu près sur fibre optique. Et on ne peut pas aller beaucoup plus loin parce qu'il y a une nature exponentielle à nouveau de l'atténuation dans les fibres. Donc, on est pratiquement aux limites de ce que permettent les protocoles et ce que permettent la théorie. Et pour aller plus loin, une façon, c'est de trouver des canaux qui a avec moins d'atténuation. Et justement, l'espace, c'est du vide, hein, c'est essentiellement du vide. Donc il faut traverser l'atmosphère, mais une fois qu'on a traversé l'atmosphère, on a surtout du vide et ça permet de résoudre ce problème, trouver un bon canal. Et si on prend un satellite à peu près 500 km de hauteur, typiquement le canal optique, alors il faut le contrôler, il faut bien pointer le satellite, avoir des bons télescopes, avoir. Donc tout ça, ça coûte très cher. C'est très cher. Puis réduire le faisceau de photons au minimum possible. On a cette contrainte, de toute façon, on ne peut pas envoyer trop de lumière au début. Donc, mais. C'est devenu possible. Alors, ça a d'abord été démontré en Europe, avec des expériences entre deux îles aux Canaries. On a première fait. Tout à fait, en 2015. Hein, voilà. On peut en parler sur 143 km sur un protocole BB84. Voilà, donc c'était la première fois qu'on résolvait ces expériences de communication quantique à grande distance. C'était un prélude à déployer ces expériences dans l'espace, qui implique de lancer un satellite et qui est un petit peu plus. Cher, en fait. Onéreux, voilà. Bien sûr. Alexey Grimbaud. Oui, je me souviens, j'étais en visite à Vienne à cette époque-là, il y a une dizaine d'années. L'expérience entre deux îles Canaries à Vienne a vraiment... Entre Tenerife et Las Palmas. Oui, et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça traverse l'atmosphère. Alors, l'atmosphère, ça n'est pas du vide, et donc il y a tout un tas de courants d'air, de problèmes qui créent le bruit. Et évidemment, si vous traversez l'atmosphère par l'horizontale, donc entre deux télescopes installé sur deux montagnes, sur deux îles Canaries, ça n'est pas le même type de bruit que si vous allez verticalement vers l'espace. Bien sûr. Le protocole, vous pouvez le redécrire un peu, le protocole expérimental qui a été mis en place aux Canaries pour que les auditeurs comprennent bien ce qui se passait. Oui, ça, c'est justement un sujet intéressant. Entre deux îles Canaries, ce qui a été fait, c'est ce qu'on appelle la téléportation quantique. Donc, la téléportation de quoi ? Donc, non pas de la matière, non pas des atomes ou des ions, mais ce qui est téléporté, ce qui apparaît instantanément à la distance de 40 km, donc très loin, c'est l'état d'un système quantique, en l'occurrence des photons. Et donc, ce qui est important pour la téléportation, c'est de bien comprendre que c'est à la fois une métaphore et pas totalement une métaphore, parce qu'il y a quelque chose qui se passe instantanément. Or, cette chose n'est pas la transmission de la matière. Et donc, mon histoire préférée. Eh bien, racontez-la nous, on sera ravis de l'entendre. Je vous raconte rapidement mon histoire, qui que j'ai trouvé dans l'Iliade. Alors, un jour, je lisais l'Iliade, et je me suis dit, attention, ça me rappelle quelque chose. Donc, dans l'Iliade, dans le troisième chant, je crois, il y a donc le fameux Paris, qui est le ravisseur d'Hélène, Hélène de Troie. Ce Paris est en train de perdre un combat devant les murs de la ville de Troie contre Ménélas qui est l'époux Achille. Phacéon, donc grec, d'Hélène. Et Hélène, elle n'est pas sur le champ de bataille, elle est dans la ville de Troie, derrière les murs, etc. Elle regarde cette bataille de loin, elle voit que son époux troyen, Paris, est blessé, elle est presque en train de succomber, en train de mourir. Et là, il se passe quelque chose. Alors, Aphrodite, la déesse Aphrodite, qui était du côté des Troyens, hein, elle entoure, dit Homère, elle entoure Paris d'un épais nuage, et donc il disparaît du champ de bataille, et puis elle apparaît devant Hélène, déguisée en vieille femme, et elle lui dit, chère Hélène, va tout de suite dans ta chambre nuptiale, tu vas y retrouver ton époux, et il sera ravi de te voir, parce qu'il sera prêt d'aller aux danses avec toi, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre, hein, on peut dire, bon, voilà, c'est un mythe, donc c'est de la magie. Je suis surtout curieux d'en lire, d'entendre l'interprétation quantique que vous en faites, Alexis Greenbaum. À chaque fois qu'on entend un mythe, il faut l'interpréter. Uh-huh. Mais moi, je pense que justement, essayons de voir, Aphrodite quand même n'a pas pu, on va dire pour les déesses, transporter ce corps et puis le soigner dans ce nuage instantanément dans la chambre nuptiale. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? On peut dire, elle fait disparaître le corps précédent de Paris. Et d'ailleurs, maintenant, elle va appeler Aphrodite va appeler Paris Alexandros par son autre nom, il change de nom, mais c'est le même, il est reconnu par Hélène comme son époux, et donc elle a une sorte de recréation de cet état de Paris qu'elle a fait disparaître dans le nuage sur un corps totalement vierge dans la chambre nuptiale, et donc elle transporte, peut-on dire, enfin c'est mon interprétation, en tout cas elle transporte ce qu'elle transporte, c'est l'information sur le corps de Paris. Au lieu de soigner ce corps blessé et complètement détruit, elle prend toute l'information sur Paris, elle refait un autre corps, là, et Hélène, qui vient dans sa chambre, reconnaît parfaitement son époux. Voilà, donc là, on a fait quand même une petite économie. Et l'économie, c'est que les dieux n'ont plus besoin de transporter de façon complètement magique des corps massifs. La seule chose à transporter dans l'épais nuage, comme dit Homère, c'est de l'information. Et puis la deuxième fonction du nuage, c'est de faire disparaître l'état initial. Donc la téléportation quantique, c'est comme ça. Alice a un système chez elle. Elle fait une mesure commune entre son système et la première particule d'une paire intriquée qu'elle partage avec Bob, et c'est ça l'épais nuage en quelque sorte. Alors, son système disparaît, mais la partie du système qui est chez Bob apparaît instantanément dans le même état que le système initial d'Alice, au prix quand même de 2 bits classiques de communication. Ça, il faut pas oublier. L'épais nuage, c'est toujours quelque chose. Aphrodite a un travail à faire. Elle doit transmettre 2 bits d'information, donc c'est-à-dire 1 choix sur 4 chez Bob. Et c'est ça la téléportation. Et voilà une raison de plus pour aimer France Culture. C'est le seul endroit au monde où on vous explique que c'est Homère qui a conceptualisé le premier la téléportation quantique. Et ça, j'aimerais que ça reste dans les annales de l'histoire de radio. Plus sérieusement, ça, c'était pour une vision. Et d'ailleurs, je précise qu'on peut retrouver, que vous avez écrit dans La mécanique des étreintes, Alexis Greenbaum, cette histoire de l'Iliade et la téléportation. On mettra, comme d'habitude, les liens sur le fil Twitter de l'émission. Un mot peut-être pour expliquer, pareil, que dans cette téléportation, il y a effectivement toujours un certain niveau de déperdition, et que ce qui est important, et ce qui me semble important de préciser, c'est que dans les mécaniques de cryptographie quantique, on envoie la clé, on n'envoie pas l'information, que c'est la clé qu'on envoie, et si la clé est reçue de la bonne façon, à ce moment-là, l'information peut être transmise. Donc, si Ève essaie de pirater, elle ne pirate pas de l'information, elle pirate des éléments de chiffrement. Romain Léon. Effectivement. Faut le repréciser, parce qu'on l'a pas dit depuis le début. Ça donne souvent lieu à des petites confusions. Effectivement, c'est une clé qu'on envoie, et la raison est effectivement que, comme ça, en fait, on peut tester si... le principe de la cryptographie quantique, c'est que ce qu'on teste, c'est effectivement le canal. Le canal, c'est tout l'univers sauf Alice et Bob, en fait. C'est n'importe qui peut intervenir. Et ce qu'on va tester, c'est que ce canal, qui donc est aussi l'espion, est suffisamment bon pour transmettre des corrélations. Alors, les corrélations, c'est notamment... ça aurait pu transmettre de l'intrication, comme a parlé Alexei. Et si on avait eu de l'intrication, à ce moment-là, on aurait pu téléporter un bit à distance. La cryptographie quantique, quelque part, c'est qu'on va tester le canal en envoyant des particules très sensibles, des photons qui sont sensibles à la mesure. Et si jamais ces particules sont peu perturbées, à ce moment-là, on a bien testé le canal. Et en même temps, comme dirait l'autre... je ne vois pas de qui vous parlez. Comme dirait Homer. En même temps, on a... Voilà, comme dirait Homer. En même temps, on a à la fois envoyé de l'information, des corrélations, et testé le canal. Et si ce test passe bien, on a garanti que ce canal, qui peut être n'importe qui, tout l'univers, n'a pas appris de l'information entre Alice et Bob. Et pour le repréciser d'une autre façon, une dernière fois, et puis ensuite on va avancer un peu, puisqu'il faut rappeler qu'en mécanique quantique, à partir du moment où on jauge un système, on le détruit. C'est-à-dire que le regard fiche l'information. On mesure, on observe. Voilà, mais un système superposé, c'est la fameuse histoire du chat de Schrödinger. Quand vous ouvrez la boîte pour voir si le chat est mort ou vivant, il est bien mort ou bien vivant, mais jamais les deux à la fois. Il est dans cet état superposé tant que vous n'avez pas ouvert la boîte. Alors parlons donc du présent et du futur. On l'a dit, on l'a entendu tout à l'heure, Hélène Diamanti regrettait, et vous l'avez regretté vous-même, Alexis Grimbaum, à ce micro, que l'Europe n'ait pas investi suffisamment aujourd'hui dans la recherche technologique. Qu'est-ce qui bloque encore, en fait? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, donc on l'a dit, il y a la distance. Néanmoins, cette liaison faite le 29 septembre entre Pékin et Vienne montre qu'on est capable aujourd'hui de transmettre des clés quantiques à l'échelle d'un continent. Romain Léaume. Oui, en fait, la technologie de distribution de clés, elle fonctionne déjà bien, et depuis plusieurs années. Donc, il y a déjà des entreprises, des startups qui sont montées, même des entreprises de taille assez importante qui ont des systèmes, les commercialisent ou pourraient les commercialiser. Donc ça fonctionne déjà bien, mais par contre, ça coûte encore assez cher. Donc, et autre problème, c'est qu'on ne peut pas déployer la cryptographie quantique partout. C'est probablement le verrou le plus important. C'est que si vous allez voir votre opérateur télécom aujourd'hui, vous lui dites, voilà, j'ai ces gros boîtiers, enfin, ils ne sont pas si gros, mais voilà, ils font quelques dizaines de centimètres sur quelques dizaines de centimètres, ils pèsent un kilo. Mais ça, c'est gros déjà pour... l'industrie des télécommunications. Et donc nous, on travaille effectivement dans nos laboratoires au sein de projets européens, et on espère que ça va être le futur de la recherche européenne, à mélanger en fait les communications quantiques qu'on commence à maîtriser de mieux en mieux avec les communications classiques. Cette convergence des deux technologies, c'est quelque chose qui est vraiment d'actualité, qui est rendu possible notamment par ce dont Hélène Diamanti a parlé, des communications quantiques cohérentes, puisque là le type de détecteurs sont très proches de ceux utilisés dans les télécoms. Donc ce type de technologie-là a vraiment une notion de convergence avec les technologies classiques, et donc les perspectives de se fondre dans les réseaux optiques, avec la vision que finalement peut-être que dans 5 ans, 10 ans, les opérateurs télécommunications, non seulement ils vous donneront des téléphones portables, des réseaux optiques, mais aussi la possibilité de vous distribuer des clés quantiques. Oui, il faut dire qu'au niveau de la recherche académique, les Européens un peu se reprennent, se mobilisent en ce moment même. On prépare le lancement à l'échelle de toute l'Union Européenne, par la Commission Européenne, donc l'année prochaine, d'un énorme projet qui s'appelle Flagship, c'est-à-dire c'est un investissement à la hauteur, on espère, d'un milliard d'euros pour les technologies quantiques, pour tous les secteurs des technologies quantiques, c'est-à-dire la cryptographie, les communications, le calcul quantique, les simulations quantiques, la métrologie quantique, donc tout cela qui repose sur l'intrication, sur la superposition, sur ces concepts, la contextualité quantique, ces concepts fondamentaux. Et puis de l'autre côté, on se mobilise aussi en France, par exemple, vient d'être lancé par la région Île-de-France un projet qui s'appelle CIRTEC, qui est une fédération qui regroupe tous les acteurs d'Île-de-France dans le domaine des technologies quantiques, de la recherche sur l'information quantique. Et donc, on a laissé la Chine faire ses expériences spatiales en premier, mais l'Europe aussi met des moyens importants sur ces recherches-là en information quantique. Alors, on voit bien ça pour ce qui concerne la politique de la recherche. J'aimerais juste peut-être un mot techniquement, parce qu'on parlait par exemple d'une source de photons unique parfaite. Réussir à trouver, à produire une source de photons unique parfaite, ça permettrait de résoudre un certain nombre de problèmes, et notamment ces problèmes d'interférence que vous évoquiez tout à l'heure. C'est quelque chose qui est accessible, envisageable, ou on est encore loin, Romain Léaume? C'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé il y a 10 ans pendant ma thèse, effectivement, et à ce moment-là, on pensait, notamment pour faire de la cryptographie quantique, on pensait que c'était très important d'envoyer des photons un par un. Il se trouve qu'on sait le faire avec des émetteurs individuels. Aujourd'hui, on sait faire de la cryptographie quantique sans utiliser de telles sources qui sont un peu compliquées, mais on a beaucoup progressé dans des sources de photons uniques de plus en plus performantes, de plus en plus indiscernables, on dit. Et ça, ça a des applications pour le calcul quantique, pour faire des calculs avec des photons, des processeurs avec des photons, et aussi pour faire des fameux répéteurs quantiques dont on a parlé précédemment. Il y a d'autres progrès techniques aujourd'hui sur lesquels vous travaillez indépendamment qui permettraient précisément d'avancer, de résoudre, je pense, au problème de bruit dont on parlait. Voilà, c'est très important ce problème de bruit, Alexis le Grimbaum. Problème des erreurs, parce que il faut bien voir, il existe la théorie, hein, la mathématique, elle est parfaite. Donc, en théorie, la cryptographie quantique est absolument sûre, 100% sûre, impossible de violer. Mais en pratique, il y a toujours des erreurs et toujours du bruit. Et en fait, on a développé aussi du côté de la théorie toute une discipline qui s'appelle la correction des erreurs, donc à la fois théorique mais aussi expérimentale. Et c'est un grand, grand domaine. Donc, si théoriquement, il suffit d'avoir quelques bits quantiques, quelques qubits pour avoir de la cryptographie parfaite, en réalité, il faut souvent multiplier le nombre de qubits par des coefficients très importants, voire même 10, 100, même parfois, ça dépend des protocoles, hein, pour avoir de la protection contre les erreurs. Et donc, cette idée que, voilà, mathématiquement, ça marche, et donc on va pouvoir le faire, c'est pas du tout comme ça. Dans le domaine quantique, les erreurs, c'est fondamental, c'est même tout aussi fondamental que l'idée initiale mathématique de comment faire de la cryptographie. Donc la correction des erreurs, c'est un vaste domaine et je pense qu'un jour, si jamais on y arrive, il y aura peut-être des prix Nobel pour la correction des erreurs. Oui, pour revenir sur la maturité technologique dont vous m'interrogez tout à l'heure, un point important, c'est qu'on en est à fabriquer des systèmes donc de plus en plus fiables, mais ce qu'on a découvert, c'est que autant, comme l'expliquait Alexei, on a des preuves parfaites, et ça c'est très fort pour la cryptographie quantique, on a une preuve inconditionnelle contre un espion absolu de la sécurité des clés, ça ne veut pas dire qu'un système pratique, lui, est complètement sûr. Et il est toujours possible qu'un système soit mal implémenté, il y a des défauts, le détecteur ne fonctionne pas comme on pensait, et à ce moment-là, l'espion peut éventuellement faire des attaques basées sur les implémentations. On appelle ça le quantum hacking, donc comme on fait du hacking sur des ordinateurs, des réseaux. Le piratage quantique. Voilà, c'est envisageable de faire du piratage aussi des implémentations de la cryptographie quantique. Ça ne veut pas dire que le principe est remis en cause, mais à nouveau, on rentre dans une nouvelle ère de maturité, disons, des technologies. Il va falloir, avec des cryptographes, avec des gens dont c'est le métier, des gens de la sécurité, travailler sur la sécurité pratique des systèmes et ce qu'on appelle les certifier, c'est-à-dire les tester dans le laboratoire pour voir qui répondent bien au cahier des charges. Pour conclure, vous diriez l'un et l'autre, parce que avec effectivement les effets d'annonces et d'affiches très fortes qui ont été faits par la Chine, qu'on est en train de rentrer dans une sorte de course à la cryptographie quantique, comme on a pu être dans une course à l'espace entre les différents acteurs étatiques, entre les différents pays, ou est-ce que pour le moment, on n'en est pas encore arrivé à ce niveau de préoccupation-là? Quel est votre sentiment, Alexei Grimbaum? Oui, je pense que cette course, qui est la plus-value pour les cette États. Cette course existe pas seulement entre les États, mais il y a de très grandes compagnies privées japonaises ou américaines, je ne vais pas donner les noms, qui aussi participent à cette course. Mais il y a aussi de l'autre côté un avantage théorique certain, c'est-à-dire l'Europe, même si aujourd'hui nous essayons peut-être de rattraper cet investissement énorme qu'avaient mis les Chinois avec nos nouveaux investissements prochains, mais l'Europe a un avantage théorique, un avantage au niveau des connaissances. Et à 16h52, eh bien, vous parliez d'un éventuel prix Nobel sur la correction des erreurs quantiques. Qui sait, peut-être que ce prix Nobel est autour de la table, puisque comme chaque mercredi, nous donnons la parole à un ou une jeune chercheuse qui vient nous présenter ses travaux de thèse. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Mélissa Rossi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en première année de thèse à l'ENS Paris avec Thales et l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information. Bienvenue à la recherche Montre en Main, c'est à vous. Bonjour et merci pour l'invitation. Du coup, par rapport à ce qui a été présenté précédemment, ma thèse est plus du côté mathématique que physique. Le point de départ, c'est le même, c'est la menace de l'arrivée potentielle des ordinateurs quantiques. Et donc, en plus des avancées en physique, il y a aussi des avancées du côté mathématique. Et donc, comme ce qui a été dit, ces ordinateurs reposent sur des principes physiques différents des ordinateurs actuels. Et ils pourraient résoudre certains problèmes mathématiques qui sont considérés comme difficiles aujourd'hui. Et donc c'est une bonne nouvelle pour la science, mais c'est une moins bonne nouvelle pour la cryptographie, puisque si jamais quelqu'un, donc Eve, pourrait créer un ordinateur quantique universel et de grande taille, elle pourrait l'utiliser pour décoder des messages secrets en quelques heures, alors que ça prendrait des milliers d'années à un ordinateur quantique, un ordinateur classique, normal, pardon. Et donc la sécurité informatique actuelle ne résisterait pas à la puissance des ordinateurs quantiques. Donc si par malheur dans un une idée pessimiste, une entité avait accès à un ordinateur de ce type aujourd'hui, elle n'aurait plus aucune barrière cryptographique et elle pourrait accéder à toutes nos données personnelles, médicales, bancaires. Et plus grave, elle pourrait aussi accéder à des échanges concernant la sécurité nationale, comme des échanges militaires par exemple. Et donc, au vu de tout ça, on cherche à trouver des solutions aujourd'hui. Et le leitmotiv, c'est « mieux vaut prévenir que guérir ». Et donc, il y a deux visions dans le monde, ce qu'on appelle post-quantique. Et une bonne solution serait peut-être la coexistence ou une hybridation entre ces deux visions. La première vision, donc, ça se base sur la sécurité physique, donc c'est la cryptographie quantique qui a été présentée. C'est très prometteur, il y a plusieurs infrastructures qui existent déjà. Il y a quelques limitations comme l'investissement qui est nécessaire en termes de dispositifs et donc des limitations dans les protocoles proposés. Et il y a aussi une autre vision, donc c'est celle dans laquelle ma thèse s'inscrit. C'est la partie qui est complémentaire à la cryptographie quantique, qui est plus mathématique. Donc l'idée, c'est de chercher à faire de la cryptographie résistante sur des ordinateurs classiques, mais qui utilise aussi des communications classiques, mais qui serait résistante aux ordinateurs quantiques. Et donc elle utiliserait les infrastructures qui sont déjà existantes. Et l'avantage, c'est qu'elle pourrait être déployée maintenant, de manière à être prêt si jamais un ordinateur quantique arrivait. Et certains secrets, par exemple, qui sont générés maintenant, on n'est pas sûr, on a envie qu'ils ne soient pas divulgués dans les 50 ans, et donc il vaut mieux qu'ils soient sécurisés maintenant contre les ordinateurs quantiques. Donc c'est une volonté d'avoir une sécurité à long terme. Et donc c'est un domaine aussi, dans le domaine mathématique, c'est aussi très effervescent en ce moment, puisque la NSA a annoncé encourager une transition vers la cryptographie plus résistante, mathématique. Et donc il y a plusieurs projets européens et internationaux qui ont été initiés pour stimuler la recherche dans ce domaine. Il y a même une compétition internationale pour trouver des nouvelles idées et des nouveaux standards. Et la France s'est positionnée parmi les pionniers dans ce domaine, puisqu'il y a aussi un projet national qui a été créé, qui s'appelle le projet RISC. Et donc c'est au sein de ces projets que ma thèse a été mise en place. L'idée, c'est de prévenir l'arrivée des ordinateurs quantiques en trouvant et analysant des nouveaux algorithmes. La contrainte, c'est que ces algorithmes doivent fonctionner maintenant sur des ordinateurs classiques, mais qui doivent être résistants à des potentiels adversaires quantiques dans le futur. Et donc ça consiste à remplacer les systèmes mathématiques actuels qui sont basés sur des problèmes bien connus comme la factorisation, par exemple. Dont on parlait tout à l'heure. Oui, et donc là, ça serait d'utiliser des problèmes complètement différents, basés sur des structures mathématiques différentes. Et donc la difficulté à laquelle on fait face, c'est que les nouveaux candidats sont moins bien compris que les anciens, puisqu'il y a eu moins de recherches dessus. Et donc il y a toute une étude de sécurité mathématique à faire en plus. Et donc, en plus de ça, il faut aussi essayer de trouver des compromis en termes d'efficacité, puisqu'on voudrait que le temps de chiffrement ne dépasse pas le temps de chiffrement actuel. Donc, grosso modo, l'idée dans laquelle ma thèse s'inscrit, c'est réécrire la cryptographie en étudiant des nouvelles hypothèses mathématiques qui sont résistantes aux ordinateurs quantiques. Et ça, même au-delà de la menace de l'ordinateur quantique, c'est déjà intéressant en soi. Et ça ouvre des nouvelles voies de recherche pour créer la diversité parmi les systèmes de sécurité actuels. Merci beaucoup, Mélissa Rossi, pour cet exposé qui était extrêmement clair et tout à fait brillant. Une réaction, outre le fait que Eve sera vraiment un excellent candidat pour faire le plus méchant des super méchants de l'histoire de la fiction en règle générale. Oui, il y a quelque chose d'assez fascinant de voir que des idées très fondamentales de physique qui ont eu des conséquences sur c'est l'information quantique, la possibilité de calculer de façon quantique, et aujourd'hui ça a des répercussions sur tout le monde de la cryptographie qui vraiment mène une recherche notamment en France de premier plan pour trouver des nouveaux algorithmes, donc c'est la cryptographie mathématique, et c'est aussi intéressant de se demander comment hybrider, mélanger ça avec une vision physique, puisque les deux se rejoignent, là, ce qu'on appelle la menace et les solutions. Avec ces Grimbaum, penser aujourd'hui des solutions sans avoir les technologies de demain pour contrer les technologies de demain, c'est une mécanique intellectuelle intéressante. Oui, et ce qui est fascinant, c'est que dans cette mécanique, il y a des mathématiques fondamentales de l'informatique, parce qu'il s'agit de la cryptographie et de la physique, et c'est un domaine où les spécialistes de demain vont avoir besoin de compétences à la fois en physique, en informatique et en mathématiques fondamentales. Et donc c'est un challenge, quand même un défi pour notre système d'éducation formidable. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux, à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Merci Mélissa Rossi pour votre présentation. Merci à Romain Aléo. Merci à Alexei Grimbaum. Si vous voulez retrouver et lire en détail cette comparaison osée entre l'Iliade et la téléportation quantique, ça se lit in extenso dans Mécanique des étreintes, un petit livre Alexei Grimbaum que vous avez publié aux éditions Encre Marine. Et merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Hugo Bartholomei, Céline Lozen, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Elisabeth Miro, Jean-Guilain Meige à la technique, Elisabeth Gornescotto au droit d'auteur. La suite de vos aventures sur France Culture tout à l'heure, dans un peu plus d'une heure après le journal de 18h. L'Europe est-elle armée pour défendre l'état de droit? C'est la question qu'Hervé Gardette posera à ses invités du grain à moudre. Dans un instant, troisième épisode de la série documentaire Faites sauter les banques par Rémi Dois et Assia Khalid. Pour ce qui nous concerne demain, nous essayerons de contempler notre futur avec un regard apaisé. Est-il possible d'envisager l'avenir climatologique, technologique, économique, scientifique sans tomber dans l'incontournable scénario catastrophe? Les études sur l'effondrement systémique portent un nom, ça s'appelle la collapsologie. On en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.